J'aime les ports de l'Atlantique. Quand les sirènes vont gueulant, la constance des goélands qui m'escortent vers l'Amérique. J'aime les ports de l'Atlantique. Quand grincent les premiers regrets dans les remous de la marée qui s'étire vers l'Amérique. La nuit est morte devant ma porte, mais que m'importe, j'ai si mal aux reins. L'aube s'habille le long des grilles, autant pour les filles que pour les marins. J'aime les ports de l'Atlantique et cette odeur de fin d'amour que dissipe le petit jour qui se lève vers l'Amérique. J'aime les ports de l'Atlantique avec leurs airs de gigolo et l'indifférence de l'eau qui s'étire vers l'Amérique. Un vieil accordéon chante dans la ruelle. Un vol de goéland passe dans le ciel bleu. Une fille plus très jeune, une fille pas très belle, mais qui l'a peut-être été, chante au matin d'été. De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu, mon matelot. Il est mieux foutu que leur drapeau. Il a les dents blanches et les lèvres rouges et le regard bleu. C'est à Santiago, à Whitechapel, à Bornéo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. C'est à Hambourg qu'un soir de pluie, quand les navires quittent leur fer pour s'en retourner à la mer, que sur le quai ils se enfuient. C'est à Hambourg qu'il est parti dans le cri violent des sirènes, parmi les ombres incertaines, le long des quais noyés de pluie. Les parties vers sa destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, et de farine et de moule marinière l'attire dans un estaminet. Là, il y avait des gars qui buvaient, des rigolos, des gros rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut. Et la bière en vous la servait bien avant qu'on en redemande. Oui, ça pleuvait, oui, ça pleuvait, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie. On se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui en reboivent et qui en reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Qui la redonne la jolie corde, qui leur donne leur verre du pour une pièce en or. Et quand ils ont bien vu, se plantent le nez au ciel, se bougent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les peuples de filets dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Thank you. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, toi qui criais famine et moi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, vous étiez quelques-uns qui attendiez la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, vous ne cessiez d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, vous prenez une toile, vous récitiez des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et vous aviez tous du génie. Souvent il t'arrivait devant ton chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air et du temps. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à notre ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau bohème, on était jeunes, on était fous.